بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Donc après qu'on ait fini l'explication de l'usul al-thalatha de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, et l'explication de Nahaqd l'Islam al-Ashra, les 10 annulations de l'Islam, dans ces deux livres, ce qu'on a étudié, c'est quoi? On a étudié Asl al-Din du ma'na al-Am, la base du din d'une manière générale, c'est-à-dire le tawhid. Dedans on a vu le sens du tawhid, qui est la chose avec laquelle ont été envoyés tous les prophètes. On a vu ces piliers au tawhid, c'est-à-dire le kufr bit-taghut wal iman billah, le fait de me croire au taghut et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu la question pour laquelle Allah azza wa jal il nous a créé, c'est-à-dire l'ibada, l'adoration, hein, comme il dit subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On a vu les types de ibada, les types d'adoration. On a vu le sens de la ilaha illallah Muhammad rasulullah. On a vu les conditions de la ilaha illallah, shurut, sab'a, les 7 conditions, on les a vu dans l'usul al-thalatha. On a parlé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'rifatu shay'in min siratih. On a parlé de choses, de son histoire, de l'histoire de sa vie. Ensuite, on a vu ce qui annule l'islam. Tout ce qui vient de précéder, c'est les bases de l'islam. Tout ce qui annule l'islam, parmi le shirk al-akbar, la raison, c'est-à-dire ce que les prophètes sont venus combattre, en fait, le shirk et l'adoration du tarout, ce que tous les prophètes sont venus combattre et avertir leur peuple contre cela. قال الله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc ce dont on vient de parler, c'est les choses les plus importantes, le tawhid. Et là, ce qu'on a averti et qu'on a expliqué, inshallah, avec le texte du Coran et la Sunna, et avec l'Ijma'at, c'est quoi? On a mis en garde contre eux ce qui annule l'islam, le shirk, l'adoration du tarout, sous toutes ses formes et sous ses formes modernes à notre époque, c'est-à-dire l'adoration des temples d'une part, la démocratie, au shirk al-tashri', le shirk, l'association dans l'islation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'alliance avec les kuffars. C'est les 3 points aujourd'hui dans lesquels les gens sont tombés. On l'a vu à la fin de l'Ordre de l'Islam, dans le hadith de Sauban, comme quoi l'heure ne viendra pas, la taqum as-sa'a hatta talhaqa qaba'il ummati bil mushrikin wa hatta talhaqa qaba'il ummati wa hatta ta'buda qaba'il min ummati al-awthan. Que l'heure ne viendra pas tant qu'un groupe de ma communauté ne rejoindra les mushrikin. Ça veut dire quoi? C'est l'alliance, l'alliance avec les kuffars contre l'islam, le fait de rentrer dans leur ahzab, le fait de rentrer dans leur din, comme la démocratie par exemple, les partis, que sais-je, la franc-maçonnerie, des choses comme ça. Et l'adoration des idoles, c'est bien sûr l'adoration des tombes, par l'invocation, par le sacrifice, par le tawaf, par le nadr, etc. Et ça c'est extrêmement pratiqué à notre époque, dans le monde islamique, contrairement à ce que le pensent certains. Donc je me suis demandé ici, le muslim, une fois qu'on l'a averti, une fois qu'on a averti contre le shirk, c'est quoi la pire chose qui peut venir après cela? Hein? C'est quoi la pire chose? C'est quoi les plus grandes fitnes? C'est quoi? La première, bien sûr, c'est le shirk. De suite après, qu'est-ce qui vient? Il vient al-bid'a, l'innovation. Et ça, on en a parlé dans les règles, qawa'id, le fait de s'accrocher au Coran et à la sunna, et à la voix des salafs, et de mettre en garde contre le bid'a. Mais la plus grande fitna qui va venir sur cette terre, et c'est une fitna que tous les prophètes ont averti leur peuple. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Anas ibn Malik, قال sallallahu alayhi wa sallam, ma min nabiyin إلا وقد أنظر أمته الأعور الكذاب. Il n'y a pas de prophète qui n'ait averti sa communauté contre quoi? Contre le borgne, menteur. Contre le borgne, menteur. Allah innahu a'war. Il a dit ensuite, certes, il a appuyé, il a dit, il est borgne. A'war. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Et votre Seigneur, lui, n'est pas borgne. Votre Seigneur, il est basir, il voit. Et il a des yeux, hein? Et il a deux yeux, comme il a dit, dans le Coran et dans la Sunna, as-sahiha. وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عِنَيْهِ كَفَرَ. Et il est écrit entre ses deux yeux, كَفَرَ. Vous l'avez tous compris? Ce verset, ce hadith, pardon, il est rapporté par Muslim. Dans une autre version, on fait riwaya, يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ. Toute personne lira cela entre ses yeux s'il est croyant. C'est la condition. Mu'min. El mu'min, on a vu ce que c'est nous. Vous ne laissez pas avoir maintenant. El mu'min, c'est pas juste celui qui dit je suis croyant. Ou celui qui croit en Allah et en son messager seulement. Ou qui croit en ces choses, par exemple. Non. El mu'min, celui qui a mécru au tarot et qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a donné toute l'ibad à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a cru aux six piliers de l'iman. C'est ça, el mu'min. Et lui, il lira. Qu'il sache lire ou qu'il ne sache pas lire. Il lira entre les deux yeux de ce borgne kafara. Il a mécru ou il est mécréant. Et vous avez tous compris ce dont je parle aujourd'hui, c'est le Dajjal. En ce moment, le fait de parler du Dajjal, c'est à la mode, entre guillemets. Vous n'avez qu'à aller taper sur Internet et vous verrez, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, tous les durus, tous les gens qui parlent du Dajjal, certains d'entre eux sont des petits Dajjal d'ailleurs, hein, puisque Dajjal, c'est le grand menteur. Hein? Le Dajjal, c'est le mensonge. Et vous verrez beaucoup de choses sur le Dajjal. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui seulement, on va juste ramener des ahadiths. Pourquoi? Khairul kalam ma qalla wa dal. La meilleure parole, c'est celle qui est peu et qui a beaucoup de sens, ou qui a du sens. Et la meilleure, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit le prophète lui-même, la meilleure guidée, la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va parler du Dajjal. Mais avant le Dajjal, il y a des choses qui se passent. Des muqaddimat, des introductions. Avant que ces fitnas elles arrivent, il y a des introductions. C'est les autres fitnas. Et c'est ce qu'on appelle Asharat al-Sa'at al-Sughra, et on en a parlé déjà. Les fitnes, elles viennent de Mashriq. Elles viennent de l'Orient. Elles viennent de l'Est. C'est-à-dire de l'Est de Médine. De l'Est de Médine. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ala inna al-fitnata ha-huna, Ala inna al-fitnata ha-huna, min haythu yatlu'u qarnu al-shaytan. Il dit, certes, la fitna vient de là. Certes, la fitna vient de là. C'est de là que se lèvera la corne du shaytan. Les ulama, ils ont dit, comme c'est venu dans le fath, قرن الشيطان قوة الشيطان وأتباعه. Ici, la corne du diable, ça signifie la force du diable et ses suivants, ceux qui le suivent. Et dans un autre hadith, il a plusieurs versions. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا قال فقال رجل من القوم يا نبي الله وفي عراقنا قال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق هذا الحديث رواه الطبراني ورواته ثقات. Ibn Abbas y rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué, il a dit, oh Allah, bénis-nous notre sa'a. C'est une unité de mesure. C'est 4 mains pleines. Et bénis-nous notre mud. C'est 2 mains pleines. C'est-à-dire, la poignée de la main pleine, c'est un mud. On est d'accord? Et le sa'a, c'est 4 fois ça. Et ensuite, il dit, وَبَالِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا. Et bénis notre Cham et bénis notre Yémen. Bénis notre Cham et bénis notre Yémen. À l'époque, il était dans la péninsule arabe. Quant au Cham, il est connu. Le Cham, à notre époque, c'est pas seulement la Syrie, comme ils le pensent les gens, non. Le Cham, à notre époque, le Cham, pardon, à l'époque, le Cham de tout temps, pardon, le Cham, comme il est à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est aujourd'hui les pays, qui portent ce nom-là depuis la colonisation, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, et le nord de la péninsule arabe, c'est-à-dire le nord de ce qu'on appelle actuellement l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire jusqu'à Tabouk. Jusqu'à Tabouk. Quant au Yémen, c'est connu, c'est ce pays au sud de la péninsule arabique. Il faut bien faire attention ici, et on va parler dans les hadiths qui vont suivre. C'est que les gens, ils comprennent les hadiths, et on va le voir juste après là, ils comprennent les hadiths selon les appellations de maintenant. Ils pensent que l'Irak, à l'époque du prophète, c'est l'Irak à notre époque. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Parce qu'après le prophète, après qu'il ait béni le Cham et le Yémen, il y en a un qui lui a dit, et notre Irak, bénis-le. Le prophète, il a dit non. Il a dit, dedans, il y a la corne du diable, c'est pour la force du shaitan. Hein? Et de là sortiront les fitaines, les troubles. Ce hadith, il est rapporté par At-Tabarani, et ses rapporteurs sont authentiques. L'Irak, ici, c'est quoi, l'Irak, ici? C'est pas l'Irak actuel. Une partie de l'Irak actuel, une grande partie de l'Irak actuel, ce qu'on appelle l'Ambar, la région de l'Ambar, c'est-à-dire les villes de Ramadi, les villes de Fallouja, les villes de d'autres villes comme ça. Ça s'appelait pas à l'époque du prophète l'Irak, non, c'est une partie du Cham. Ça fait partie du Cham. D'accord? Ibn Hajar, il a dit à propos de ce hadith, وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان يفرح به وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. Et nous disent les ulama que c'est de l'Irak, c'est-à-dire de cette région qu'on appelle l'Irak. C'est quoi l'Irak? C'est le sud de l'actuel Irak, c'est-à-dire Koufa, Al-Basra, etc., etc. Aujourd'hui, c'est des régions au sud de l'Irak qui sont pas exclusivement, mais qui sont en majorité chiites. Donc, les deux hommes qui sont le dîn de la religion chiite. Divin, la religion, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est de là que les bid'as sont sortis. C'est de là que les sectes, on va parler un peu, c'est de là que les sectes qui s'opposent à la sunna sont sortis. Parmi ceux-là, Al-Khawarij, الشيعة الشيعة sous les formes différentes, c'est-à-dire الروافد الباطنية et ensuite d'autres sectes comme القدرية والجهمية والمعتزلة. On les définira plus tard, inshallah. Toutes ces sectes-là, elles sont sorties de l'Est, de l'Orient, et particulièrement de l'Irak. Et d'autres sont sorties de l'Est, c'est-à-dire encore plus à l'Est, c'est-à-dire la Perse, l'actuel Iran, comme des sectes liées de Majusiyya, la religion de Majus. Et plus tard, c'est de cet endroit, de l'Est, de l'Orient, que sont venus les fitaines, les Tatars, on en a déjà parlé, les invasions mongoles. Donc cette région, c'est de là que viennent les fitaines. Je rappelle, le sud de l'Irak, chiite, encore une fois, et pire encore, l'Iran, la Perse. C'est de là que vient les fitaines. C'est de là que vient Al-Fitan. Et ici, ça répond clairement à ceux qui prétendent qu'à notre époque, les gens qui parlent des signes de la fin des temps, et qui prétendent qu'à notre époque, on devrait s'unir avec l'Iran contre Israël, ou je sais pas quelle théorie, en fait, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe avant le Dajjal? Qu'est-ce qui se passe à votre Dajjal? An-Nafi' ibn Utba قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المشرق عليهم ثياب صوف فوافقوه عند أكمة فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد قال فقالت لي نفسي ائتهم فقم بينهم وبين لا يقتلونه. قال ثم قلت لعله نجيء معهم فأتيتهم فقمت بينهم وبين. قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. نافع بن عتبة يدي جتارك لمساجد الله صلى الله عليه وسلم dans une expédition. Un peuple est venu de le Maghreb, de l'Ouest, c'est-à-dire du Chien. Un peuple est venu du Chien. Et ils portaient des habits en laine. Ils se sont mis devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient debout et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assis. Et je me suis dit en moi-même, mets-toi entre eux et le prophète afin qu'il ne l'assassine pas. Ici, on voit, حرص الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. Faites que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils portaient très attention au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'était prêt à se sacrifier pour lui. Il dit, puis je me suis dit à moi-même, va avec eux. Et donc il est allé à cet endroit-là et il s'est mis entre eux et le prophète. Il dit, là, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire quatre choses dont je me souviens et je peux les compter. Il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. Il dit, vous attaquerez la péninsule arabe et vous allez la conquérir. D'accord? À l'époque du prophète, sans ça, la péninsule arabe, elle n'était pas complètement conquise. D'accord? Elle a été conquise, puis ensuite elle a été reperdue lors de la ridda, lors de l'apostasie après la mort du prophète, sans ça, et ensuite Abu Bakr, il l'a reconquise. Donc, la première chose, vous attaquerez la péninsule arabe et vous la vaincrez. ثم فارس فيفتحها الله. Ensuite, vous attaquerez les Perses et vous les vaincrez. Juste après, à l'époque d'Abu Bakr et ensuite à Omar, la Perse a été conquise. C'était une des plus grandes puissances de l'époque. ثم تغزون الروم فيفتحها الله. Et ensuite, vous attaquerez les Roms, les Romains. C'est-à-dire les Occidentaux, les chrétiens. Et ensuite, vous allez les conquérir. Vous allez les vaincre. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit ? ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالِ فَأَفْتَحُهُ اللَّهِ. Et ensuite, vous attaquerez le Dajjal et vous allez le vaincre. قَالَ نَافِعْ يَا جَابِرْ لَا نَرَى الدَّجَّالَ يَخْرُجْ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومِ. Et Jabir, il a dit, نَافِعْ, celui qui rapporte نَافِعْ ibn Utba, celui qui rapporte ce hadith, il a dit, oh Jabir, le Dajjal ne sortira pas tant que Ar-Rum ne sera pas vaincu. Tant que les Romains, les Occidentaux ne seront pas vaincus. Vous voyez? Kharaj al-Muslim. Ce hadith, il est rapporté par Muslim, dans Kitab al-Fitan, le numéro 2900. Ça signifie quoi? Ici, c'est une réponse claire à ceux qui disent que, soi-disant, le Dajjal, il est déjà sorti, qu'il est en Angleterre, ou je sais pas quelle théorie, je ne les connais pas, leurs théories, mais franchement, elles sont ridicules pour une personne qui lit juste un peu Sahih Muslim. D'accord? Ou qui lit juste un peu le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le Dajjal, il ne sortira pas tant que quoi? Tant que les Romains ne seront pas vaincus. Parce que les Romains ne seront pas vaincus. Et Abu Huraira, radiallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, La taqumu sa'atu hatta yanzil ar-rum bil a'maq, aw bi dabiq, fa yakhruju ilayhim jayshun min al-Madina, min khiyal an-nas yawma idhin, min khiyal al-ard yawma idhin. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فأقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم بين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله فافتتح الثلث لا يفتنون أبدا فافتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فأخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرجا فبينما هم يعدون للقتال يصوون الصفوف إذا أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب المنحوف الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده ويريهم دمه في حربته أخرجه مسلم. سحديث لدن بودا صحيح مسلم. Je l'ai lu entièrement, c'était un peu long, je le traduis maintenant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, l'heure ne viendra pas. L'heure ne viendra pas. tant que les Roms, encore une fois, les Occidentaux, les chrétiens, ne se rassemblent à l'A'maq. Et dans une version, ne se rassemblent à Dabeq. Dabeq, c'est un endroit qui est connu, on sait où c'est Dabeq. Dabeq, c'est pas en Malaisie. Dabeq, c'est pas en Angleterre. Dabeq, c'est au nord de la Syrie actuelle. Entre le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. C'est-à-dire entre Antalya et Halab. Entre Antalya et Halab. Donc Dabeq, il est dit dans Mu'jam al-Buldan, Dabeq, قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراسيخ. C'est une ville, c'est un endroit qui est près de Halab, dans une région qui s'appelle Azaz. Azaz. Et l'A'maq, dans le même livre, il est dit, il y a بين حلب وأنطاكيا وهما في الشام. C'est entre Halab et Antakya, c'est-à-dire entre le sud de la Turquie qui fait aussi partie du Sham et Halab qui est une ville de Syrie à notre époque du nord de la Syrie. Donc dans cette ville, les Roms ils vont se rassembler. D'accord? C'est une région qui est pas en paix en ce moment, c'est une région qui est en guerre. D'accord? Une région qui est en guerre en notre époque. On est en fin 2013. Une armée sortira, d'où viendra? Cette armée, elle sortira de l'Médina, de la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle sortira de l'Médina. Il y aura parmi eux les meilleurs gens de la terre. Les gens qui seront dans cette armée, ce seront les meilleurs gens de la terre. C'est-à-dire les gens les plus pieux, contre les gens qui ont la meilleure aqida, etc., etc. Oui? Quand ils se soumettront en rang pour combattre les Roms, ils leur diront une chose. Ils leur disent, laissez ceux de notre armée qui ont quitté notre religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez les convertis, comme c'est venu dans une version, Ben Ishaq. D'accord? Les Roms qui seront convertis à l'islam, mais qui seront dans l'armée des musulmans. Les musulmans, ils diront à ce moment-là, non, par Allah, nous ne vous laisserons pas nos frères. Nous ne vous laisserons pas nos frères. Ils ne veulent pas rendre ou trahir les musulmans. À ce moment-là, ils se combattront. Un tiers de l'armée fuira le champ de bataille. Allah, il leur pardonnera jamais. Ceux qui ont fui le champ de bataille. Un tiers de l'armée sera tué. Ce sera le meilleur martyr auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et un tiers vaincra. Et ils ne seront jamais tentés. Ils ne suivront pas la fitna. Ils conquerront Constantinople. C'est-à-dire l'actuel Istanbul. Ouais, l'actuel Istanbul, la ville de Rome. Et pendant qu'ils se diviseront al-ghanaim, le butin de guerre, وَقَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونَ, et qu'ils auront accroché leurs épées aux branches des oliviers. Est-ce que ici, dans ce hadith, ce sont des épées littéralement? C'est-à-dire qu'à la fin des temps, dans un futur proche, inshallah, on reviendra à la guerre avec les épées et avec les chevaux, on le verra, même si les chevaux ils sont utilisés. Ou est-ce que c'est un silah? Allahu a'lam. Est-ce que c'est leurs armes? Allahu a'lam. À ce moment-là, en tout cas, le shaitan, il va crier, et il dira, le messie, c'est-à-dire le Dajjal ici, est sorti chez vos familles. Dans vos familles. Fi ahlikum. Dans vos familles. Ils sortiront à ce moment-là, c'est-à-dire ils reviendront en arrière, wa dhalika batil. Et cela était faux, c'était le shaitan qui voulait les tromper. Mais quand ils reviendront au Sham, c'est-à-dire que les armées ici, pendant ces malahim, pendant ces grandes batailles, à la fin des temps, elles seront au Sham, entre autres, quand ils reviendront au Sham, à ce moment-là, ils sortiront le Dajjal. À ce moment-là, ils sortiront le Dajjal. Ils se prépareront à le combattre et ils se mettront en rang. Et lorsque la salat sera appelée, à ce moment-là, qui descendra? Isa ibn Maryam, alayhi salam, le Messie, il descendra. Il descendra. Celui qu'ils appellent Jésus, le fils de Marie, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Lorsque l'ennemi d'Allah le verra, il fondra, comme fond le sel dans l'eau. Et s'il l'avait laissé, il aurait fondu. Mais il le tuera. Allah le tuera par la main de Isa ibn Maryam, alayhi salam, et il leur montrera le sang du Dajjal sur sa lance. Tout ça, c'est des preuves, contrairement à ce que disent certains rationalistes, aqlaniyin, qui sont kuffar après Qamatul Hujja, comme quoi le Dajjal c'est un homme. il a du sang. Le Dajjal, c'est un homme, il a du sang, il vit, et il sera borné. D'accord? Et on va voir encore des hadiths. Et c'est tous ces hadiths qui nous montrent qu'avant sa venue, il y a des choses qui se passeront. C'est les grandes batailles. Et que ces grandes batailles, elles auront lieu au Chiam. Et même dans le nord du Chiam. Et que les armées sortiront de Médine, etc., etc. Dans une autre version, toujours dans Sahih Muslim, à propos de ces gens, de cette armée-là, qui combattront les Roms, quand ils auront conquis, qu'il y aura cette grande bataille, elle a été décrite plus en détail par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le moment où le Dajjal sortira, c'est ça qui nous intéresse. جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في ضراريكم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوائر الصليعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على وجه الأرض على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوائد على ظهر الأرض يومئذ أخرجه مسلم. على notre hadith, une autre version de 1899, c'est le hadith quasiment juste après le précédent. Comme quoi, quand le Dajjal ou quand le Shaytan ou quand le cri retentira comme quoi le Dajjal est sorti, qu'est-ce qu'ils feront l'armée des musulmans? Ils enverront 10 cavaliers comme avant-garde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce moment-là, je connais leur nom, le nom de leur père et la couleur de leurs chevaux. Donc ils seront à cheval. Ce seront les meilleurs cavaliers ce jour-là. Pourquoi? Ils voudront revenir au Chiam pour voir si le Dajjal est bien sorti dans leur famille. Le Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti. Il y a de nombreux hadiths sur lui, sur sa fitna. D'accord? Il y a de nombreux hadiths sur lui, sur sa fitna. Et il nous en a averti, il nous en a parlé, il nous a dit que tous les prophètes en ont parlé. Mais le plus qui en a parlé, bien sûr, c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car c'est le dernier des prophètes. Et que le Dajjal, il va sortir dans sa communauté. Le résumé sur le Dajjal, sur l'histoire du Dajjal, il nous a été donné par Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, le savant, le grand savant ibn Kathir, rahimahullah, dans son livre Al-Nihaya, qui est le dernier volume de Al-Bidaya Al-Nihaya, son histoire. Al-Nihaya, Al-Fitan, Al-Malahim, Ashrat al-Sa'a, dans lequel il a rassemblé les hadiths sur Al-Fitan, les troubles, Al-Malahim, les grandes batailles et les signes de la fin des temps. Il nous dit à propos du Dajjal, et après on lira certains hadiths, Amma al-Dajjal al-Akbar, وهو المذكور في حديث فاطمة بنت قيس الذي روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يؤذن له في الخروج في آخر الزمان بعد فتح المسلمين مدينة الروم المسمى بقسطنطينية ابن كثير nous explique et nous dit il sortira à la fin des temps après que les musulmans aient conquis une ville, la ville des Roms, la ville des Occidentaux, Constantinople. Ce qu'on vient de voir. فَأَكُونُ بُدُومُ ظُهُورِهِ مِنْ أَصْبَهَانِ مِنْ حَارَةٍ يُقَالُ لَهَا أَلْيَهُودِيَّ. Il apparaîtra, ou ses débuts, il apparaîtra dans une ville qu'il s'appelle Asbahan. Cette ville, elle s'appelle à notre époque Ispahan. En français, on dit Ispahan. C'est dans quel pays, Ikhwan Ispahan? L'Iran. C'est dans le pays actuel, l'Iran. Donc il apparaîtra, Dajjal, il apparaîtra, au début qu'il apparaîtra où ça? En Iran. Tiens. Ça c'est assez étrange que les gens qui sont censés parler du Dajjal à notre époque, qui nous avertir du Dajjal, ils disent qu'il faut s'unir avec l'Iran, alors que le Dajjal il sortira d'une ville iranienne qui s'appelle Isfahan. C'est assez étrange. Il sortira du quartier juif de Asbahan. On le verra, le Dajjal est juif. Aujourd'hui, vous savez tous que l'Iran est chiite. Et il y a une grosse communauté juive en Iran, qui est très importante encore à notre époque. Et on va essayer de voir les liens qu'il y a entre les juifs et les chiites. les liens organiques qu'il y a entre les juifs et les chiites, pour comprendre pourquoi le Dajjal il sort chez eux, et que c'est pas un hasard. Il sortira d'un quartier, du quartier juif de Ispahan, donc. Et il dit, Ibn Kathir, « وَيَنْصُرُهُ مِنْ أَهْلِهَا سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُدِي عَلَيْهِمُ الْأَصْلِحَةِ وَالسِّيْجَانِ وَهِيَ الطَّيَالِسَةُ الْخُضْرِ » Et il dit, Ibn Kathir, toujours, bien sûr, en se basant sur tous les ahadiths qu'il a compilés, qui sont dans le Bukhari, Muslim, Abu Dawud et d'autres, comme quoi 70 000 juifs suivront le Dajjal. 70 000 juifs suivront le Dajjal. Ils seront armés, et ils seront avec eux, et ils auront avec eux des écharpes vertes. وَكَذَلَكَ يَنْصُرُهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ التَّطَارِ وَخَلْقٌ مِنْ أَهْلِ خُرَسَانِ Et ils seront, et il sera secouru aussi par des Tatars, c'est-à-dire par des Mongols, et par des gens de Khorasan. Khorasan, c'est un pays, ou un territoire, qui regroupe une partie de l'Iran, et une partie de l'Afghanistan, de ces pays-là. فَيَظْهَرُ أَوَّلًا فِي سُورَةِ مَلِكٍ مِنَ الْمُلُوكِ الْجَبَابِرَةِ ثُمَّ يَدَّعِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ يَدَّعِ الرُّوبِيَّةِ فَيَتْبَعُهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَهْلَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَالطُّغَامُ مِنَ الرُّعَاءِ وَالْعَوَامِ وَيُخَالِفُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ هَدَاهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وحزبه المتقين فيتدنى فيأخذ البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما وكورة كورة ولا يبقى بلد من البلاد لا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة ومدة مقامه في الأرض 40 يوما يوم كالسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام الناس هذه وَمُعَدَّلُ ذَلِكَ سَنَةٌ وَشَهْرَانِ وَنَصْرِ Le Dajjal, il apparaîtra sous la forme d'abord d'un roi puissant et tyrannique. Ensuite, il prétendra la prophétie, prétendra qu'il est prophète. Et ensuite, il prétendra être Allah, il prétendra la Rububiyya, la Seigneur. À ce moment-là, ou plutôt, il sera suivi par les ignorants parmi les fils de Adam, par les bédouins, par les ignorants. Et ceux qu'Allah aura guidés, on demande qu'à Allah qu'il nous mette parmi eux, et ceux qu'Allah aura guidés parmi les serviteurs pieux et le parti d'Allah qui le craignent, le renieront. Ils le renieront. Ici, je vous demande de réfléchir à ces hadiths, à ces informations. Si déjà aujourd'hui une personne ne fait pas la différence entre le musulman et le mouchrik, si déjà une personne à notre époque ne fait pas la différence entre le tawhid et le shirk, ne fait pas la différence entre la religion d'Allah qui est l'islam et entre les religions de shirk comme l'adoration des tombes, comme la démocratie. Si une personne ne sait même pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, déjà l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il connaît pas le qadar, il connaît pas les noms et les attributs d'Allah, ya billah alaykum, qu'est-ce qu'il va faire le jour où le Dajjal va sortir? Et qu'il va tenter les hommes, et qu'il va ruser contre eux, et qu'il va venir avec les miracles. Si déjà aujourd'hui ils suivent les sorciers, Sahara, et ils suivent les sorciers dès qu'ils ont un problème, ils se précipitent chez qui? Chez les sorciers. Hein? Et ils suivent, et ils lisent et ils suivent l'astrologie. D'accord? Que dire alors quand le Dajjal va sortir? Si aujourd'hui ils passent leur temps devant la télé à être trompés par la télé, par les mensonges, les kofars, etc., et à suivre tous les mubtadi'a et mettre le bid'a, ya billah alaykoum, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont suivre le Dajjal? Les gens qui vont être préservés du Dajjal, hum ashab al-tawhid al-khalis, ou ashab al-aqid al-sahiha, c'est ceux qui auront un tawhid pur, et qui auront une bonne aqida. Ceux qui auront l'amal al-salih, les bons actes qui les auront rapprochés d'Allah, et qui leur ont donné la clairvoyance. قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Si vous craignez Allah, il vous donnera le furqan. Le quoi? Le discernement entre la vérité et le faux. Hein? Ensuite, le Dajjal, il va conquérir les pays par pays, ville par ville, forteresse par forteresse. Il va passer sur la terre. Il n'y aura pas un seul pays de la terre sans qu'il n'y soit passé. Sauf deux villes. Mecca et Médine. La Mecque et Médine. C'est les deux villes qui sont protégées. Il continue, Ibn Kathir. قَدْ خَلَقَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ خَوَارِقَ كَثِيرًا يُضِلُّ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ وَيَثْبُتُ مَعَهَا الْمُؤْمِنُونَ فَيَزْدَادُونَ بِهَا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَهُدًى إِلَى هُدَاهُمْ. Et Allah a créé par ses mains, Allah y créera par ses mains, par les mains du Dajjal, de nombreux miracles. C'est-à-dire, il apparaîtra du Dajjal de nombreux miracles. Vous voyez? Et c'est ça qui fera que les gens, ils s'égareront. On va voir de quelle manière. Hein? J'ai oublié de traduire un passage qui est très important. Comme quoi la fitna du Dajjal, comme c'est devenu dans Sahih Muslim, beaucoup de ces questions, ces informations, ils ont mis dans Sahih Muslim, on va les reprendre. Il restera sur la terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, un jour comme un an, un jour comme un mois, et un jour comme une semaine. Aujourd'hui, il y a des interprétations, on va pas citer les noms. Hein? Al-Dajjal, il a les petits Dajjal sur Internet. Al-Ajam al-Juhal, qui nous parle du Dajjal et du Mahdi et de Yajouj ou Majouj ou quoi que ce soit, ils interprètent ces choses-là, non? Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit? Cela signifie que le Dajjal restera sur la terre lorsqu'il sortira un an, deux mois et demi. D'accord? Deux mois et demi. C'est-à-dire que la fitna du Dajjal, malgré qu'elle tentera la terre et que son épreuve sera grande, elle durera combien? Un an, deux mois et demi. Pas plus, pas moins. Comme c'était dans Sahih Muslim. On va détailler un peu ce qu'on vient de citer. On a vu que le Dajjal il sortira, comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, de Asbahan, d'Ispahan, c'est-à-dire de l'Iran. Dans une autre version, dans un hadith de Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إنه شاب قطط عينه طافئة كأن يشبهه بعبد العزة بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة البقرة. Nous a expliqué que le Dajjal c'est un chab, c'est un jeune homme. Il est pas vieux. Il a moins de 40 ans. Il a moins de 40 ans. Il dit ensuite, فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. De celui qui voit le Dajjal, lise sur lui le début de Surat al-Kahf, c'est-à-dire les 10 premiers versets. Dans une version, les 10 derniers versets. C'est ça qui va préserver, après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et le tawhid al-aqidah sahiha, qui va préserver du Dajjal. Il dit, إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ. Il sortira entre le Sham et l'Irak. C'est-à-dire, il apparaîtra entre le Sham et l'Irak. Encore une fois, le Sham et l'Irak, c'est pas la Syrie ou l'Irak actuel, hein, il sortira pas de l'Ambar. C'est le Sham et l'Irak, c'est-à-dire cette région qu'on a citée, le sud de l'Irak et une partie de l'Iran. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan ya ibadallah fathbutu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a dit quoi? Aux serviteurs d'Allah, soyez fermes sur votre dîn. Soyez fermes sur votre tawhid, soyez fermes sur votre aqidah. Sachez que cet homme-là, c'est le Dajjal. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a décrit le Dajjal, il dit, c'est très important, on a vu que le moment où il sortira, le Dajjal, le moment où il sortira, c'est ce moment qu'on a cité, ah, quand les musulmans, ils conquerront Constantinople. Il y a une autre chose qui a été citée dans les hadiths, et c'est pour ça qu'on parle du Dajjal, na'udhu billahi min fitnati, et c'est pour ça qu'on va faire ce dars sur le Dajjal, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, comme c'est venu dans un hadith, rapporté par Abdallah ibn al-Imam Ahmad, et il est venu dans Majma' al-Zawa'id. selon As-Sa'b ibn Jathana radiyallahu anhu qui l'a dit, لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكري وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. Le Dajjal ne sortira pas tant que les gens, le Dajjal sortira quand les gens ne parleront plus de lui, qui se seront lassés de parler de lui. Et il sortira quand les imams ne le citeront plus sur Al-Manaber, c'est-à-dire sur les mimbar, sur les chairs, c'est-à-dire le jour de Jumu'ah. Billahi alaykoum, est-ce que vous avez entendu une seule khutba sur le Dajjal à notre époque, dans toutes les mosquées que vous avez faites, particulièrement dans ce pays-là? On dirait qu'il n'existe pas le Dajjal. Il se peut qu'une personne, si elle se cantonne à cet islam, falsifié, et à cet islam qu'on nous sert dans les mosquées, il n'entendra peut-être jamais parler du Dajjal, alors que c'est une des plus grandes fitnas qu'il y a sur cette terre. Tout comme il n'entendra peut-être jamais parler du mot Tarout, il n'entendra peut-être jamais parler du Shirk. Ce hadith, il est rapporté par Abdullah ibn Ahmed, comme l'a dit Al-Haythami dans son livre Majma' al-Zawa'id, رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو وهي صحيحة كما قال ابن معين وبقية رجاله ثقات إن شاء الله حسن وصحيح. وعن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خورسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. Dans Sunan al-Tirmidhi, c'est le hadith numéro 2237. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est rapporté par Abu Bakr, comme quoi le Dajjal sortira d'une terre à l'Orient. Une terre qui s'appelle Khurasan. Khurasan, c'est-à-dire, c'est l'Iran actuellement, Khurasan, et une partie de l'Afghanistan, on l'a dit. Mais c'est surtout et avant tout l'Iran. Et on l'a vu qui sortira d'Asbahan, on va le voir dans le hadith suivant. Il sera suivi par un peuple. Leurs visages seront comme les boucliers. Ça veut dire quoi? Ils auront le visage rond. Le visage rond et dur. Et les yeux bridés, c'est venu dans certaines versions. C'est quoi? C'est les peuples de l'Asie du Sud-Est, les Mongols. Les Mongols et d'autres. Peut-être même les Chinois, les Coréens, les... Vous voyez ? C'est ces peuples-là. وعن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة أخرجه مسلم. Et Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Dajjal sera suivi par les juifs de Isfahan, par 70 000 juifs de la ville de Isfahan qui porteront la tayal. Et ce hadith, il est dans Sahih Muslim. Donc c'est clair, le Dajjal sort d'Iran et il est suivi par les juifs de l'Iran. Donc aujourd'hui, les gens qui nous parlent du Dajjal et qui nous disent que les musulmans, je sais pas ce qu'ils veulent dire par ce mot d'ailleurs, musulmans, doivent s'unir avec l'Iran, on se demande pour qui il travaille. On se demande même s'il ne prépare pas la venue du Dajjal, puisqu'il sort de cet endroit-là. Et il est suivi par les juifs de cet endroit-là. On est obligé ici de s'arrêter sur l'histoire du chiisme. D'où sort le chiisme? Le chiisme qui consiste à... Parce qu'on sait que maintenant on a parlé du Dajjal, et on sait que le Dajjal il consiste à tenter les gens. À tenter les gens... à les faire associer à Allah Azza wa Jal et à se prendre pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et on a vu, on voit ici que le Dajjal il sort d'Iran et il est suivi par les juifs, et même que lui-même il est issu des juifs. Pourquoi tout ça? Quel est le rapport entre tout cela? Ibn Taymiyyah rahimahullah il nous dit à propos de l'apparition du chiisme: وقد ذكر قال ابن تيمية وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ فإنه أظهر الإسلام وابطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام كما فعله أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, comme c'est venu dans Majmou' al-Fatawa, le volume 28 et la page 484, les gens de science ont montré que le début du rafd, c'est-à-dire du chiisme qui insulte les compagnons, c'est-à-dire du chiisme actuel, le chiisme qu'on appelle du haut des imams, des 12 imams, Ifna Ashra, le chiisme qui est présent en Iran, en Irak, au Liban, un peu au Pakistan, ce chiisme-là, il a commencé son début par un zindiq, c'est-à-dire une personne qui était hypocrite. Par un hypocrite qui s'appelait Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba. C'est une personne qui a fait apparaître l'islam alors qu'il était en secret juif. Et il a voulu corrompre l'islam de l'intérieur, comme l'a fait Paul le chrétien. Paul, c'est celui que les chrétiens appellent Saint Paul, comme l'a fait Paul le chrétien qui était en fait juif. Et qui a corrompu la religion des chrétiens. Ici, on voit, on a déjà parlé de cette question-là, et on le verra peut-être par la suite, qu'à la base de toutes les sectes, à la base de toutes les sectes, al-bid'a, al-firaq al-bid'iyya, les sectes innovées, certaines sont sorties de l'islam, d'autres ne sont pas sorties de l'islam, généralement on trouve une main cachée, yadun khafi, Yahoudi en Asrani juif, très souvent, et parfois chrétien. Et ici, c'est le cas du chiisme. Quant au rapprochement entre les juifs et les chiites, il nous a été montré par des savants extrêmement anciens. Comme c'est rapporté dans Sharh Usul I'tiqad de l'Alaka'i, qui est une des références dans la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a, l'Alaka'i rapporte de Sha'bi, qui était un imam des Salaf des trois premiers siècles. Il lui a décrit le chiisme. Il lui a dit, parmi ça là, il lui a dit d'abord, أحذرك الأهواء المضلة وشررها الرافضة. Il a dit à une personne qui s'appelait Malik, Malik ibn Mirwal, le père, pardon, de Malik ibn Mirwal. Il lui a dit, il lui a fait comme un conseil. D'accord? Oui, vous allez voir où je vais en venir. Il lui dit, d'abord, il lui dit quoi? Je te mets en garde contre les passions qui égarent, c'est-à-dire les bid'a, hein? Les innovations, les sectes, les hérésies. Wa sharruha ar-rafida. Et la pire d'entre elles, ce sont ar-rafida, les chiites. Pourquoi? Wa dhalika anna minhum yahoud yaghmisun al-islam li tahya dalalatahum kama yaghmis Buls ibn Sha'ul, malik al-yahoud. Liyarlibou. Il dit, c'est Sha'bi qui dit ça. C'est-à-dire que c'est très vieux. Ça vient pas de notre époque. Ça vient même pas de Ibn Taymiyyah. C'est Sha'bi, Sha'bi. C'est les premiers siècles. Il dit, il y a parmi eux des juifs qui sont rentrés dans l'islam pour que leur égarement vive. Tout comme est rentré Paul, le fils de Shaoul, c'est-à-dire Paul, celui qu'on appelle Saint Paul, dans le christianisme. Alors qu'il était juif. Elle dit, لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله لكن مقتا لأهل الإسلام وطعنا عليهم. Ils ne sont pas rentrés dans l'islam par crainte d'Allah et par espoir de son châtiment. Ils sont rentrés dans l'islam par haine contre les gens de l'islam. فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاه من البلدان. Et Ali ibn Abi Talib s'est aperçu de cela à l'époque où Abdullah ibn Saba et sa secte sont sortis et les a brûlés vifs. Quand ils ont commencé à le diviniser. Al-Kufa. وَنَفَاهُ مِنَ الْبُلْدَانِ. Et il les a exilés. مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَا. نَفَاهُ إِلَى سَبَاطِ. Parmi eux, Abdullah ibn Saba, il a été exilé. Celui qui a fondé cette secte en secret. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبَابِ. نَفَاهُ إِلَى جَازَاتِ. Il a expliqué où ils ont été exilés. Les fondateurs du chiisme, Abdullah ibn Saba et Abdullah ibn Shaba. Pourquoi ils ont été exilés et pas tués? Parce que c'était des zanadiqas, des gens quand ils les attrapaient, ils disaient non, non, on se repent, on est des muslimines, des hypocrites, d'accord? Wa Abu al-Kurush wa abnuhu wa dhalika anna mihnat al-rafida mihnat al-yahoud. Et il dit, car l'épreuve des chiites, c'est l'épreuve des juifs. Comment cela? Et là, Sha'bi, rahimahullah ta'ala, il va donner tous les points communs entre les chiites et les juifs. Et on va voir pourquoi ici on parle de cela dans le dans un dar sur le Dajjal, pour montrer que le Dajjal il est suivi par qui? Par l'Yahoud. Et il sort de la terre de qui? De la terre des chiites actuellement, c'est-à-dire l'Iran. Et pourquoi? Et on voit maintenant le lien entre le chiisme et les juifs. قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود. شعبي دين. Les juifs ont dit. Et à chaque fois il va dire ça. Les juifs ont dit. Les rafidans, c'est-à-dire les chiites, ont dit. Les juifs ont dit. Le royaume ne peut être que dans la famille de David, Daoud. Est-ce qu'ils ont dit les juifs? وقالت الرافضه لا تصلح الإمارة إلا في آل علي. Quant à l'émirat, c'est-à-dire le royaume, pareil, il n'est possible, les juifs et les chiites, ils ont dit, il n'est possible que dans la famille de Ali. Vous avez vu la ressemblance? Deuxième ressemblance. وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى من السماء. وقالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي ثم ينادي مناد من السماء. Les juifs ont dit, il n'y a pas de jihad dans le sentier d'Allah jusqu'à ce que sorte le Messie. Meshiach, le Messie. Et c'est qui leur Messie aux Juifs? Ils ne le disent pas. C'est le Dajjal. On va le voir, Inch'Allah. C'est le Dajjal. C'est lui qu'ils entendent depuis les temps, depuis longtemps. Et les Juifs, normalement, ils ne combattent pas dans le sentier d'Allah jusqu'à ce que vienne leur Meshiach. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les chiites? Il n'y a pas de jihad jusqu'à ce que le Mahdi sorte. Les chiites, dans leur croyance, comme quoi il n'y a pas de jihad, il n'y a pas de toutes ces choses-là, jusqu'à ce que le Mahdi sorte. Et ici, je vous prête attention, quoi que ce soit, cette croyance, elle est en train de se répandre chez des gens qui se disent sunnites. Et les gens sur Internet qui parlent du Mahdi, du Dajjal, ils considèrent que le jihad, c'est-à-dire, reposez-vous, c'est quand le Mahdi va sortir. Et les grandes conquêtes, c'est quand le Mahdi va sortir, d'accord? Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah avant tout, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans la Sunna, il nous a ordonné le tawhid, il nous a ordonné d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de faire le hijra, de faire le jihad, de s'unir, d'établir le califat, etc., etc. Est-ce qu'il a relié tous ces ordres à la sortie du Mahdi? Abadan, j'en ai. Et les hadiths du Mahdi, ils sont très peu nombreux. Les hadiths du Mahdi, il y en a très peu. Et la plupart d'entre eux sont daïfs. Et tout ce que vous voyez dans les vidéos qui nous ramènent, le Mahdi, Allah, il commence à yusnihu fi layla, Allah, il va le réformer en une nuit, tout ça c'est daïf. Tout ça c'est des hadiths munkar. Et certains hadiths sont sahih, comme il a dit Ibn Qayyim, rahimahullah. Mais beaucoup d'entre eux sont daïfs. C'est pour ça qu'on n'insiste pas sur cette question du Mahdi. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, soi-disant musulmans, sunnites, etc., etc., en fait, ils ont des croyances chiites, en fait. Et qui sont en fait des croyances juives. Comme quoi, tout ça, c'est quand le Mahdi va sortir. Quand le Mahdi va sortir, soi-disant, tout va bien se passer. Khalas, il va venir. Toi, t'es assis chez toi, devant ta télé. Hein, tu fais aucun effort pour ton dîn, et tout va s'arranger. Voilà. Repose-toi sur cet espoir, c'est bien. Mais tu vas mourir sous le jugement du Tarout. Et tu vas mourir et tu n'auras pas fait l'Isra. Tu vas mourir et tu n'auras pas fait le Jihad. Tu vas mourir, tu ne seras peut-être même pas sur le Tawhid. Mais attends le Mahdi, tu vas voir. Ça, c'est la croyance de qui? Des Juifs et des Chiites. Il dit ensuite, Al-Sha'bi, وَالْيَهُودَ يُؤَخِرُونَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومِ وَكَذَلِكَ الرَّافِضَ. Ça, c'est une ressemblance dans le shirk. Et Wallah, c'est vrai. Par Allah, c'est vrai. Ils disent, les Juifs, ils ne font la prière du crépuscule, le Maghrib, que si la nuit est apparue et que les étoiles commencent à apparaître dans le ciel. Alors que nous, le Maghreb, on le fait quand? Dès que le soleil il a disparu à l'horizon. D'accord? Et les chiites, ils font de même. Exactement pareil. Les chiites, même, ils rassemblent le Maghreb al-Isha tout le temps. En état de résident comme en état de voyage. En fait, ils prient 300. Parce qu'ils rassemblent tout le temps dans l'Asr au Maghreb al-Isha. Vous savez, quand ils vont regarder celui qui fait l'Umrah, le Hajj, il va les voir dans le Médine. D'accord? Ijma'oun. Il dit ensuite, je résume, il dit واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. Les juifs ont quoi? Ils ont falsifié la Torah. Il dit Shabi, et de même les chiites ont falsifié le Coran. Comment ils l'ont falsifié? On peut pas le falsifier le Coran à l'écrit, c'est pas possible, Allah il le préserve. Non, ils ont falsifié son tafsir. Ils interprètent le Coran de manière mécréante. Et ils sortent des versets du Coran et les interprètent pour insulter Aïcha radiallahu anha, ou pour insulter Abu Bakr al-Siddiq, ou Omar al-Khattab radiallahu anhu marda, et d'autres. وَالْيَهُودَ لَا يَرَوْنَ التَّلَاقَ ثَلَاثًا شَيْئًا وَكَذَلِكَ الرَّافِضَ. Les juifs ne voient rien au fait qu'on divorce trois fois une femme. Et les chiites de même, ils n'y prêtent aucune importance. Alors qu'on sait que Allah Azzawajal, si on, la personne divorce sa femme trois fois, il ne peut pas se remarier avec elle, hatta tankiha zawjan ghayra, jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة. Et les juifs ne voient pas de délai de viduité, ils n'ont pas de délai de viduité. De même, rafid. Ici, toutes ces choses-là, c'est pour nous montrer quoi? Que cette secte, le chiite, c'est une secte juive. Rien à voir avec l'islam, comme l'ont dit les ulama. واليهود يبغضون جبريل يقولونه عدونا من الملائكة وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين سئلت اليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit, et les juifs détestent Jibril. Ils détestent l'ange Jibril. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour annoncer leur destruction. À cause de leur péché. Et de même, certains parmi les chiites détestent Jibril et considèrent qu'il s'est trompé et qu'il a donné la révélation à Mohammed alors qu'il devait la donner à Ali. Ça, c'est le Batini. Il y a certaines sectes actuellement en Syrie et au Liban, en Druze et Moussaïri. Il y a certains d'entre eux disent cela. Et les juifs et les chrétiens sont mieux que les Rafidas sur deux aspects. Rappelez-vous, ça c'est Sha'bi qui dit ça, pas n'importe qui. Comment ils sont mieux que les juifs et les chrétiens sur deux aspects? Et je résume encore. Lorsqu'on demande à un juif, qui sont les meilleurs gens de votre din, après les prophètes? Ils vont répondre, ce sont les compagnons de Moussa. D'accord? Si on demande à un chrétien, qui sont les meilleurs gens de votre din après Isa? Ils vont dire, c'est les apôtres, les compagnons, les hawariyin, les compagnons de Isa. Si on demande aux chiites, qui sont les pires des gens de votre religion, ils diront, ce sont les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alayhim ay ala rafida la'natullah, Allah maudit sa rafida. C'est ça qu'ils disent, ils détestent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'islam qui déteste. Et les compagnons du prophète, c'est eux qui nous ont transmis le Coran en sunna. Ici, vous voyez quoi? Vous voyez les ressemblances entre rafida et les juifs. Et à ce propos, Ibn Taymiyyah, il nous dit, rahimahullah, à propos d'Ar-Rawafid, pour comprendre leur jugement dans la religion d'Allah, et pour comprendre que ceux qui nous disent qu'il faut s'unir avec eux à notre époque, hein, ou qui disent même qu'ils ne sont pas kuffars, ou qui disent même que leurs imams sont des kuffars et que leurs gens du commun ne sont pas kuffars, ce sont des menteurs sur Allah, sur son messager, et sur Ijma' al-Ilm. Ce sont des gens dangereux. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, dans Salim al-Masloul, en parlant d'Ar-Rawafid, il dit, man iqtarana bi sabbihi anna aliyan ilah, أو كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهو كافر ولا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. Ibn Taymiyyah رحمه الله il a dit à propos de ceux qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui insulte les compagnons et qui rajoute en plus que Ali est un ilah, que Ali doit être adoré, c'est-à-dire un rawaf dans notre époque, tous les rawaf dans notre époque qui rajoute cela, ou qui disent il était un prophète et Jibril s'est trompé. Cette personne-là, c'est un kafir. Il n'y a pas de doute sur sa mécréance. Et il n'y a pas de doute non plus sur la mécréance de celui qui refuse de le rendre mécréant. C'est la troisième annulation de l'islam. D'accord? Celui qui ne rend pas kuffar ces gens-là, c'est des kuffars. Voilà, chacun, ben, la chacun fait kuffri mental, kafir fait kuffri. Ici, Ibn Taymiyyah, rahimallah, c'est dans Salim al-Masloul, à la page 420, de l'édition d'Al-Kutub al-Ilmiyyah, comme quoi Ibn Taymiyyah, il rend kafir ici, toutes les personnes qui ne rendent pas mécréant al-Rawafid, Moussaïri, Yad-Dubouzi, etc., etc. Et dit, ensuite il dit, à propos de Sahaba, il dit Ibn Taymiyyah, وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ ارْتَدُّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِلَّا نَفَرًا قَلِيلًا لَا يَبْلُغُونَ بِضْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا أَوْ أَنَّهُمْ فَسَقُوا عَامَّتُهُمْ فَهَذَا لَا رَيْبَ أَيْضًا فِي كُفْرِي لِأَنَّهُمْ كَذِّبُوا لِمَا نَسَّهُ الْقُرْآنُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفرهم متعين. Ibn Taymiyyah رحمه الله dit, quant à celui qui prétend que les compagnons du prophète ont apostasié après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sauf un petit groupe, qui ne sont pas plus de quelques dizaines, que 10 et un peu plus de 10. C'est ce qu'ils disent les rafidas à notre époque, tous les chiites à notre époque disent ça, à part Zaydiyya, ou qu'ils sont tous des pervers. il n'y a pas de doute sur sa mécréance. Il n'y a pas de doute sur sa mécréance. Hein? Car il a démenti ce qu'Allah a dit dans le Coran, comme quoi il les agrée, et il a fait leur éloge. Vrai ou pas vrai? Et qu'est-ce qu'il dit, Ibn Taymiyyah, encore pire? Il dit, بَلْ مَنْ يَشُكُّ فِي كُفْرِ مِنْ فَلَهَذَا فَإِنَّ كُفْرَهُ مُتَعِيَّنَ. Mais celui qui doute de la mécréance d'une telle personne, lui-même, sa mécréance est évidente. C'est-à-dire, il rend mécréant celui qui ne rend pas mécréant, ce qui rend mécréant les compagnons. C'est un peu compliqué, vous avez compris. C'est pareil, dans Salam al-Masoul, page 420. Donc les Rawafid sont des kuffars. Les Rawafid, les chiites de l'Iran sont des kuffars. Il ne faut pas s'allier avec eux comme avec les autres kuffars. J'ai cité Ibn Taymiyyah, je cite pour finir ce qu'il a dit Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Il dit, أَنَّ الرَّافِدْ إِذَا سَبَّ الصَّحَابَةَ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَا فِي كُفْرِ. Il dit, quant aux Rawafidi, aux chiites, s'il insulte juste les compagnons, c'est-à-dire sans les croyances qu'on a dit précédemment, il insulte juste les compagnons. Les ulama ont divergé sur sa mécréance. Ils divergent sur la mécréance celui qui insulte les compagnons. D'accord? Et il dit ensuite, par contre, أما إذا اعتقد في علي أو الحسين فهو كافر إجماعا والسني الذي يشك في كفره كافر في الدرع الثانية المجلد العاشر صفحة 29 و100. Mais il dit ensuite, mais s'il croit en Ali ou en Hussein, c'est-à-dire qu'il croit en eux, il les invoque, ou comme ils font, hein, il fait dhabh pour eux ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais s'il croit en Ali et en Hussein, c'est un kafir à l'unanimité. Et le sunnite qui doute de leur mécréance ou de sa mécréance est lui-même un kafir. Ça, c'est dans Dorar Sani, le volume 10, la page 129. Donc, c'est clair sur la mécréance ici de ce qui ne rend pas le Rawafid. On en parle de manière résumée parce qu'à notre époque, elle est répandue cette croyance parmi les gens qui se prétendent de la sunna au lien de Billah. Le lien entre les juifs, les chiites et le Dajjal, il est clairement établi par le fait que les juifs, ils attendent quelque chose. Les juifs, ils attendent le Meshiach. Ils attendent le Messie. D'accord? Ce Messie-là, il est décrit dans leur livre. Et il est décrit dans les différents complots qu'ils ont mis en place au cours des siècles, les complots juifs, pour prendre le contrôle des goyim. Le contrôle des non-juifs. Puisque c'est la caractéristique de la religion juive, c'est qu'on croit que c'est une religion, dans le sens où il y a des prières, des rites, des lois. Mais la religion juive, entre guillemets, c'est pas une religion dans le sens qu'on l'entend, comme par exemple l'islam, ou même les fausses religions comme le christianisme ou d'autres. D'accord? C'est une tribu, avant tout. C'est quelque chose de tribal. On se considère comme un peuple. Pas comme une religion, comme un peuple élu par Allah, qui a été élu par Allah, et que leur prière, leur adoration, c'est quoi? C'est de posséder la terre et de posséder l'humanité. C'est ça, leur prière, c'est ça. Hein? Al-Yahoud, Sha'abullah al-Mukhtar, les juifs sont le peuple élu par Allah, ou al-Ardu mulkul lahum, et la terre est leur possession, et les êtres humains, autres que les juifs, sont quoi? Sont des bêtes. C'est ça leur religion. Et ça, c'est un peu dit dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la Torah, de manière un peu... Hein, et c'est clairement dit dans ce qu'on appelle le Talmud. Hein, le Talmud, qui est le commentaire écrit, rassemblé par, soi-disant, les sages de la communauté, comme commentaire de la Torah. Et nous, on va pas citer le Talmud, qui est pas traduit en français. C'est un livre qui est pas traduit en français, qui est gardé entre guillemets secret. Il y a certains passages qui sont montrés. On va citer un autre livre. Il y a eu un congrès d'organisations juives qui se sont rassemblées à Bâle, en Suisse, au début du XXe siècle. Dans ce congrès, il a été décidé de tout ce qui allait se passer dans le XXe siècle, et même avant, comme révolution, comme guerre mondiale, et comme évolution de la société. Ce livre, il s'appelle, il a été rassemblé, puisqu'il y a des gens qui l'ont entendu ce congrès qui était présent, qui ont pris des notes, et ces notes sont sorties, elles ont été données à une personne de l'aristocratie russe, qui l'a donné, etc., à une personne. Ce livre, il s'appelle Les Protocoles des Sages de Sion. Les Protocoles des Sages de Sion. C'est le texte de ce congrès. Il y a des gens qui disent, bien sûr, les juifs disent que c'est un faux, qui a été inventé par les antisémites. D'accord? Si c'est un faux, qui a été, je suis sûr qu'il y a des petits malins parmi les gens, même de notre, qui se disent musulmans, sunnites, mouahidines, quoi que ce soit, qui vont, entre guillemets, sourire en disant, ils croient au protocole des sages de Sion, cette personne-là, elle est fou, quoi que ce soit. Le protocole des sages de Sion, rappelez-le, vous l'avez sur Internet, en PDF et tout. Vous avez qu'à le lire. Vous avez qu'à le lire et vous renseigner à ce qui s'est passé au XXe siècle. Et vous allez voir si ce qui s'est passé au XXe siècle, c'était pas dans les protocoles des sages de Sion. D'accord? Il est venu dans ce livre-là, le protocole des sages de Sion, la fin, l'aboutissement de toute la manipulation juive et la prise en main du monde, il arrive à un point, c'est quoi? C'est le couronnement d'un grand roi juif. C'est ça le couronnement. Voilà. Et il dit à la fin, ils disent, c'est sage, c'est pas sage, il dit, à partir de ce moment, nous avons conduit les nations de déception en déception, de sorte qu'elles en viennent à nous désavouer en faveur du roi despote issu de sang de Sion que nous préparons au monde. C'est-à-dire qu'à la fin, une fois qu'ils auront fait toute leur manipulation, révolution, créer le capitalisme d'un côté, le socialisme de l'autre, qui soi-disant s'affrontent, mais qui en fait ont été créés par les mêmes juifs, on voit qu'à la base des systèmes économiques, on trouve à chaque fois des juifs. À la base du marxisme, on trouve des juifs, au capitalisme banquier, on trouve des juifs, les Rothschild, etc., etc., qui financent des fois les premiers, etc., alors qu'ils sont censés être ennemis, enfin. Une fois qu'ils auront construit, conduit les nations de déception en déception, qu'est-ce qu'il y reviendra? Un roi despote. Malikun Jabbar. C'est la définition qu'il a donnée Ibn Kathir du premier stade du Dajjal. Il sera issu du sang de Sion, c'est-à-dire il sera juif. Et il dit qu'il le prépare au monde. Ça, c'est dans le protocole. D'accord? C'est qui ce roi juif issu du sang de Sion qu'on prépare au monde, etc., etc.? C'est évident, c'est le Dajjal. C'est le Dajjal. Et les stades par lesquels il passe, on va pas, je vais pas vous lire les protocoles de sa gestion, peut-être on pourra faire éventuellement. C'est quoi? J'en ai fait un résumé personnellement, moi, de ces protocoles. Il passe par plusieurs stades. Le plus important, c'est détruire la religion. Et c'est ce qu'ils ont fait chez les chrétiens. Vous voyez les chrétiens autour de vous? Est-ce qu'ils sont attachés à leur religion? Les trois quarts sont athées. Regardez les églises, elles sont vides. D'accord? Alors qu'il y a quelques temps, la France, par exemple, c'était un peuple chrétien. En résumé, ce protocole ou ce plan, il est basé sur la destruction de la religion, entre autres par la science moderne, la destruction de la famille, le fait d'abrutir les gens avec le luxe, dunia, quoi, à vue d'ici-bas, de les abrutir avec de l'alcool, c'est dit clairement dans le protocole, de les abrutir par le sport et les distractions. C'est exactement ce qui se passe en époque. Je parle pas de la pratique du sport. Je parle du fait de regarder le sport, de supporter des équipes, etc. Tout ça, c'est maçonnique et c'est juif à la fin. De faire disparaître, de prendre le contrôle de l'or. Prendre le contrôle de l'or. Ça, c'est fait au début du siècle. La réserve fédérale, etc., etc. Toutes ces questions-là, tout cela a été réalisé dans le XXe siècle, hein, et les Juifs ont pris le contrôle, par exemple, de la France, clairement à notre époque, on regarde. Aucun président français ne peut prendre le pouvoir en France s'il n'a pas été au dîner du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, c'est pas possible. Et aucune personne qui a un petit sentiment envers les Juifs ne peut accéder à n'importe quel poste dans les médias, dans la politique, etc., etc. Le lien entre le chiisme, le juif et les juifs et le Dajjal, il est encore plus clair lorsqu'on regarde, ça a été fait par certains chouyours, comme dans le texte Qira'atun fin Nubuwat, c'est sur internet, Al-Masih al-Dajjal. Vous savez que les, on a vu que les chiites, ils attendent Al-Mahdi, selon eux. Al-Mahdi, les caractéristiques, on va pas les détailler trop, c'est qu'il est de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient à la fin des temps. Mais il a des caractéristiques qui sont assez étranges, si on y pense. Comme c'est venu dans le livre Al-Hujja, min al-usul fil kafi, qui est le livre référence des chiites, Al-Kafi, d'une personne qui s'appelle Al-Kulayni. C'est comme Sahih al-Bukhari pour nous, Tafsir al-Tabari, que sais-je. D'accord? Est-ce qu'il est venu? Bab, chapitre. Fil a'imma alayhim as-salam annahum idha dhahara amruhum hakamu bi hukmi Daoud wa ali Daoud la yas'aluna al-bayyinata alayhim as-salam wa rahmati wa ridwan. Il y a un chapitre comme quoi les imams, c'est-à-dire le Mahdi et les imams de la famille du prophète que les chiites prétendent croire, les 12, quand ils sortent, ils jugent avec quoi? Ils nous disent dans le Kafi à la page 27, le chapitre 27, il dit quoi? Ils jugent par le jugement de Daoud, de David, et de la famille de David. C'est bizarre ça. Ça veut dire qu'ils ne jugent pas selon le Coran et la Sunna. Ils jugent par le jugement de Daoud. C'est étrange. Pire encore, quelle langue parle-t-il? Dans Al-Ghaiba de Nu'mani, qui est un autre livre des chiites, il dit comme quoi le Mahdi des chiites, il parle Al-Ibrani, il parlera hébreu. Il parlera hébreu. Donc on voit là le lien, il est même plus caché entre les juifs, le Mahdi des Shia. Et ça vous donne une petite indication sur c'est qui le Mahdi des Shia, c'est qui qu'ils entendent en fait dans leur livre. Une personne qui juge avec le jugement de David et qui parle hébreu. Et il est dit, pire encore, dans l'Irshad, de celui qu'on appelle le Sheikh al-Mufid, comme quoi ils ont dit, les chiites, en attribuant à Abu Abdullah Ja'far al-Sadiq, mensongèrement, يخرج مع القائم عليه السلام إذا كان الدجال عليه لعنة الله نعوذ بالله من فتنة من ظهر الكوفة 27 رجلا من قوم موسى وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن نون وسليمان وأبو دجانة الأنصاري والمقداد ومالك الأشطر فيكونون بين يديه أنصارا صلى الله عليه avec le Mahdi, il sortira de l'Koufa. Alors, bizarrement, l'Koufa, c'est où? Au sud de l'Irak. C'est une ville actuelle qui est actuellement remplie de chiites. Et d'où est apparu le chiisme. Il sortira 27 hommes du peuple de Moussa, des gens qui étaient avec Moussa. Bizarre. 7 parmi les gens de la caverne. Yusha ibn Nun, c'est-à-dire celui qui a succédé à Moussa à la tête de Ben Israël, celui qu'ils appellent en français Josué, le fils de Nun, Yusha ibn Nun. Suleiman, Abu Dujan al-Ansari, ils ont cité quelques compagnons quand même, qu'ils considèrent comme n'ayant pas apostasé. C'est bizarre, pareil, c'est des Anbiya de Ben Israël qui sortent avec nous, des Shi'as. Donc, on récapitule, ils jugent avec le jugement de David, il parle hébreu et il est suivi par des gens de Ben Israël. C'est assez étrange. Qui sont les ennemis du Mahdi? Ils le disent eux-mêmes dans leur livre, comme c'est venu dans le Ghaiba de Nu'mani à la page 107. لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لا حب أكثرهم إلا يروا مما يقتل من الناس أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناس هذا ليس من آل محمد ولو كان من آل محمد لرحم. Il dit à propos de Mahdi, qu'est-ce qu'il fait quand il sort à la fin des temps? Il dit, si les gens savaient ce que fera le Qa'im, c'est-à-dire ce que fera le Mahdi, ils auraient aimé ne pas le voir. C'est les chiites eux-mêmes qui disent ça en parlant de leur Mahdi. D'accord? Il dit quoi? Il va tuer de nombreux gens. Et il va commencer par qui? Il va commencer par Quraysh, par la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens dans lesquels est le califat. Comme il est venu dans le Bukhari, inna hadal amra fi Quraysh. Cet ordre, le califat, il reste chez Quraysh. Et le Mahdi étudie Quraysh. C'est drôle quand même. Et il dit, ils n'auront de lui que l'épée. Et il ne leur donnera que l'épée. C'est-à-dire les massacrera, selon eux. Et il dit, et beaucoup de gens diront, quand ils verront le Qa'im, le Mahdi, qu'est-ce qu'ils diront? C'est les chiites eux-mêmes qui disent ça. Il ne fait pas partie de la famille de Mohammed. S'il avait fait partie de la famille de Mohammed, il leur aurait fait miséricorde. C'est eux-mêmes qui l'ont fait, c'est dans le Ghaiba, le Nu'mani. D'accord? Ici, on arrive à une conclusion. On va pas s'appesantir trop sur ça. Comme quoi, le Messie, le Meshiach des Juifs, c'est une personne. On a vu, c'est le Dajjal. Les Salafis le savaient. Ibn Qayyim, il l'a cité dans son livre Al-Mana al-Munif à la fin. D'accord? Comme quoi, le Meshiach des Juifs, c'est le Dajjal qu'ils suivront et qui sortira de Asbahan, etc., etc. Maintenant, c'est qui le Mahdi d'Arraf, le Mahdi des Chiites, qui parle hébreu? C'est une seule et même personne. C'est le Dajjal. Et c'est clair, de leur propre livre maintenant. Donc, vous voyez maintenant le lien entre le fondement juif de la croyance chiite, le fait que le Dajjal sorte d'Iran, et le fait que le Dajjal, c'est celui qu'ils attendent les chiites sous le nom de Al-Mahdi. Sous le nom de Al-Mahdi. Tout cela afin que personne ne soit trompé par les gens qui soi-disant mettent en garde contre le Dajjal, qui soi-disant attendent la sortie du Mahdi, sachant que personne ne nous a dit d'attendre la sortie du Mahdi, et que le Mahdi pour les sunnites il n'est pas multava, il n'est pas attendu, on n'attend rien nous, hein, on établit les sunnas, ils apprennent le tawhid, ils croient au tarot et ils croient à Allah, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils appliquent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi l'amr ma'rouf, l'hijra, le jihad, le fait d'établir le califat, etc., etc., et qui n'attendent pas le Mahdi en cela. D'accord? Mais ces gens-là qui disent qu'ils attendent le Mahdi, qui mettent en garde contre le Dajjal, c'est les mêmes qui, soit ils ne font pas le tekfir sur al-Rawafid, ils ne déclarent pas al-Rawafid mécréant, ou ils le considèrent comme leur frère avec qui il faut s'unir contre le sionisme ou quoi que ce soit. Ou alors, carrément, ils nous disent, comme ils disent certains prêcheurs de l'égarement, na'oud billahim min fitnatihim ou min sharrihim, comme quoi, il faut s'unir carrément avec al-Rawafid. Vous voyez la tromperie devant laquelle on est. Et celui qui a peur vraiment du Dajjal, il faut qu'il sache qui sont ses suiveurs, qui sont les juifs, et qui sort de chez eux. Et tout cela, on pourra en être protégé, que si la personne, il apprend le tawhid, il apprend l'aqida des salaf, il reste ferme sur cela, il agit selon le dîn d'Allah, le dîn de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des salaf et des pieux prédécesseurs, en restant ferme sur sa aqida, il faut le qawli hada. واستغفر الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد